23e soirée. Je regardais le Tyrol, disait la lune. Les sombres sapins projetaient leurs longues ombres noires sur les rochers. Je voyais une des images de Saint Christophe portant l'enfant Jésus sur ses épaules, comme on les voit peintes dans ce pays en grandeur colossale sur le mur des maisons qu'elles couvrent depuis le toit jusqu'à terre. Ailleurs, je voyais Saint Florian qui verse de l'eau sur une maison en flammes, tandis que le Christ, au corps sanglant, était suspendu sur la grande croix près du chemin. Pour la nouvelle génération, ce sont là de vieilles images, tandis que moi, je les ai vues élevées et remplacées par d'autres. Au sommet d'une montagne, au-dessus du précipice, on voit suspendu comme le nid d'une hirondelle un couvent solitaire de nonnes. Deux sœurs étaient montées au clocher pour sonner les cloches. Elles étaient jeunes toutes les deux, aussi leurs regards volaient-ils par-delà les monts et cherchaient-ils le monde. Une voiture de voyage venait à passer au fond de la vallée. Le cor du postillon se faisait entendre. Les pauvres nonnes, absorbées par la même pensée, tenaient leurs regards fixés sur la voiture et je voyais briller une larme dans les yeux de la plus jeune. Les sons du cor s'affaiblissaient de plus en plus, dominé par les cloches du couvent.